Les éditions La Fille d'à côté présentent Faustine, une saga biographique. Tome 6, La renaissance de Faustine, par Christina Schwab. Prologue. Vivre, mourir, à quoi bon? La chute de Faustine après les épreuves insupportables qu'elle vient d'endurer est vertigineuse. Mais pourquoi la mort ne veut-elle pas d'elle? Peut-être que finalement la vie vaut la peine d'être vécue. Si on lui avait dit à ce moment-là ce qui l'attendait, elle vous aurait ri au nez. Et elle aurait eu tort. Aujourd'hui, une porte s'ouvre sur la vie. Sur un oui qui en dit long sur l'espérance de jours meilleurs. Cette fois, Faustine décide de remonter la pente, d'accepter de changer. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres et ce n'est qu'après bien des péripéties que le bout du tunnel apparaîtra. Enfin. Ce n'est pas seulement une biographie que l'on découvre ici. C'est aussi un voyage très documenté dans le temps et l'espace avec des rappels historiques, culturels et une immersion totale dans le quotidien, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Voyage par procuration assuré. Quant à la biographie, elle véhicule un message d'espoir. Avec de la volonté et du courage, et aussi un coup de pouce du destin, malgré les coups durs, on peut s'en sortir.